sont comme un tigre. Me voilà. Préparez-vous à subir les conséquences de ce réveil brutal. Mais nous voyons bien que ta place n'est pas dans un musée, car il suffit de te